sans motif. 2007, on se fait tant d'idées sur le futur. On croit à la réussite, mais toutes les chances de ton côté. Je ne crois pas qu'on ressuscite. Y'a des soucis qui font partie de la vie, qui veulent pas te lâcher. Y'a ces gamins qui se prennent pour des bonhommes du premier pas nager. J'ai pas gâché ma vie, mais c'est pas un parcours sans faute. Y'a un diplôme et un bagage. J'ai l'impression que je cours sans fuite, tout le monde s'en fout. Mais je le dis quand même, tu ne sais pas venir, car y'a pas de place pour trois sur un tandem. J'avais tant de haine que j'ai laissé se vider. Ont des problèmes dans la vie que ceux qui veulent les éviter. Sans hésiter, ma gueule, je mets un coup de crosse dans ton rap game. Si tu veux dire de la merde, prends tout pour quand tu rap amène. J'emmerde tous ces MC qui se font passer pour des bandits. J'entends beaucoup parler de fusil, y'a personne pour les brandir. Mentir, je laisse ça aux autres, à ceux qui pensent que tout est acquis. Si j'en ai dit ça, c'est que la meilleure défense c'est d'attaquer. On voit du son, que je pose ma rage en décibels. Rime tranchante comme un tesson, ouais ma plume n'est pas si belle que celle d'un poète. Manion, l'art et l'amour, le maniement en 2007 et plus. L'arme et l'armure, c'est triste à dire, mais rares sont les faits qui nous choquent. Nos visions de sans stature, comme 10 balles dans l'ossature. J'avoue ça me désole, qu'une divergence d'opinion se règle dans une cour d'école. À grands coups d'opinel, la discussion. Allez, c'est place au geste, à qui la faute, si aux questions. Peu de réponses se manifestent, les bonnes nouvelles ne sont pas monnaie courante, mais les mauvaises reviennent comme des phrases récurrentes. Notre chef d'état préfère serrer la pince à bouche. Les beaux discours, c'est sûr, il en a plein sa bouche. Mais quand rien ne va plus, les belles phrases disparaissent. Il part à droite, à gauche, en oubliant que nous on y reste. Ok, c'est nippet, couche, pas trop fanade, l'ego trip. Moi je vis dans un monde triste, lui où l'ego trompe. On sait ce que ça engendre quand une fille se décolle. Mais c'est sous la vengeance que les gars sortent les codes. On est de cette époque où se met les chemises, c'est un art. On a toi d'étonner, on traîne par plein de colère. C'est le département de merde, la jungle au milieu des champs. La délinquance des champs, je fais partie de ceux qui dégencent. Cette vie me barbe, parfois barbu. On se tape des barres quand on a bu. On abuse de l'insouciance, ce qui fait que nos mères craquent. Mais c'est comme ça, quand le mental dérape. Juste pour prouver ce qu'on vaut, parfois on joue nos vies par défi. Et la loi reste en option, vu que les jeunes n'ont plus peur des flics. J'ai la dalle, mais avant de passer à table, il faut mettre le couvert. Sur revers de la médaille, les gens font mal les couverts. Nous ici on marche en basket. En basket, on a le cœur gelé.